mesdames, ça y est. Y'a un grand système, là où est l'hygiène, j'en sais rien. Y'a que pour dire, coupé. Bon petit piti, ça nous met un coin dans moi. Alors, qui est-ce qu'on prend à toi? Dis, monsieur, c'est un jour, c'est chaud. Depuis, y'a un grand seul bouton, mais bouton taché jusqu'en bas. Collé chemise, y'a rien, couqué gon. Alors, c'est même qui monsieur ça y est. Carmine fait ma couille en dedans caillou. Alors madame Maria dit le poil font des vacances. Oh oh, mademoiselle t'es trop bien content. Mademoiselle qui est en sortie. Oh maman, il va l'acheter série pour changer toute série de porte là. Dans caillou là. Mais mademoiselle, même, comprendre, j'y allais. Et c'est madame qui est tourné dans caillou là, c'est caché dans caillou là. Caché dans caillou là. Et puis, pendant que je suis dedans. 10 heures du soir comme ça. Et puis t'as donc un anglais qui a parlé dans la caille là. T'as un anglais qui a parlé. Qu'est-ce que tu comprends? Why me? Die me? 69 me? Oh oh, anglais? Oh! Mademoiselle levé. L'élevé, regardez où est-ce que Marie qui est devant nous. Vitalement saisi. C'est comme ça, nous sommes folles. Tu comprends comment? Et peut-être que tu es capable de comprendre qui sont comprendre. Oui! Nan ki porte, nan ki tou, a ki clé. Oui, voisine nan tande scandale là, voisine nan couri vini, voisine nan dit son qui est voisine, c'est docteur Mirri, raconte qui sont senti, qui sont senti. Oui, mon jacquet, mon seul mot, nan ki porte, you seul mot, kebe. Il va te penser si Marie ta kebe de la condition ça. Oui, oui, oui. Qui porte, non qui tout, à qui clé.